À partir de ce moment-là, l'homme pourra commencer à exercer son droit en tant qu'être créateur, c'est-à-dire en tant qu'être aîné dans le système où il sera en évolution, et de pouvoir finalement dicter aux hommes ou aux forces supérieures les lois qui ne doivent pas violer sa liberté. Et tant que l'homme ne pourra pas dicter aux intelligences, ou aux niveaux d'intelligence, ou aux unités d'intelligence, les lois qui le protègent, donc qui ne violent pas sa liberté, l'homme sera un être dominé et, naturellement, n'appartiendra pas à la race du Seigneur. Nous avons sur la terre, à cause de notre expérience, à cause de la nature de l'âme, donc à cause de la nature de notre mémoire, nous avons sur la terre l'impression que nous sommes limités, c'est-à-dire qu'il existe pour nous des bornes dans l'achèvement de notre incarnation. Et pour la plupart des hommes, pour la majorité des hommes, la borne fondamentale, la borne la plus explicite, c'est la mort du corps physique, donc la mort astrale. Alors que l'homme, au cours de l'évolution, lorsqu'il se sera finalement constitué en une unité de conscience intégrée, ne vivra pas la mort astrale comme l'a vécu l'homme de l'évolution. Il passera à côté du plan astral pour entrer dans le plan éthérique et finalement établir un lien universel avec ce que nous appelons aujourd'hui l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire cette force, cette lumière, qui est l'autre pôle de sa réalité, qu'on appelle pour le moment le pôle cosmique de sa réalité, le moi cosmique de sa réalité, mais qui en fait représente l'ultime illusion de son essence incarnée. Et quand l'homme aura réalisé que cette entité, que cet ajusteur de pensée est l'ultime illusion de son essence incarnée, l'homme reprendra sur la terre, ou sur quelque plan qu'il soit, il reprendra pour sa propre exécution le droit de parole, le droit d'expression, le droit de définir. Il sera en même temps juge et jugé. Il pourra, sans aucun fléchissement de sa conscience, il pourra dire l'éternel, ça se décrit comme ça, l'intemporel, ça se décrit comme ça, ce qu'on appelait Dieu, ça se décrit comme ça, les civilisations par elles, ça se décrit comme ça, le terme esprit veut dire telle chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y aura plus chez l'homme de limite imposée à sa conscience créatrice par des catégories qui, pendant l'évolution, ont servi à constituer chez lui, par mouvements successifs, par vagues successives, le fardeau fondamental de son existence qu'on appelle la crainte. Et si l'homme ne sait pas, si l'homme n'est pas capable de pénétrer les arcanes de la réalité, c'est-à-dire s'il n'est pas capable de s'inviter lui-même à définir en tant que juge les limites de monde qui constituent les projections de son mouvement, l'homme, s'il ne peut pas faire ça, il est obligé de se considérer comme un esclave de la connaissance. Et étant un esclave de la connaissance, quelle que soit la qualité qu'on puisse apposer à cette forme d'esclavage-là sur la terre, ça représente toujours pour lui une limite à sa liberté, parce qu'il ne peut pas contester, donner d'expansion, d'éliminer ou de remplacer les catégories qui ont servi à son développement intellectuel. Si vous regardez l'expérience de l'humanité, l'expérience de certains individus, par exemple, dans le monde, qui sont extrêmement froissés par l'avortement, qui sont extrêmement froissés par le fait que des individus croient à une certaine religion ou croient d'une certaine manière, si vous regardez le mouvement intellectualisé et spirituel de l'homme inconscient, si vous le regardez de près, vous reconnaissez quoi? Vous reconnaissez que dans tous ces mouvements-là, quelle que soit la bonne volonté, il y a toujours l'atrophie de l'intelligence. Il y a toujours la domination de l'autre. il y a toujours la sermentation personnelle d'avoir la clé et la vérité. Il y a toujours le besoin de révolutionner la conscience des autres pour s'approprier les autres. Il y a toujours le besoin chez l'homme d'éteindre le peu de lumière qui existe chez les autres afin de créer les nouvelles dictatures. C'est pour ça que l'homme conscient, l'homme de cette prochaine époque, qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à définir, parce que nous sommes dans un temps où la télépathie n'est pas au service de la conscience entre les hommes. La télépathie est au service de la conscience entre les hommes et les plantes, mais elle n'est pas au service de la conscience entre les hommes et les hommes, de sorte que l'homme conscient peut difficilement exercer son droit d'aîné par rapport à un autre en faisant vibrer son esprit et en l'amenant automatiquement à la même mesure que lui-même, sans violer ses droits en tant qu'être. Et comme on n'est pas rendu à ce point-là, c'est très difficile pour le moderne conscient de définir ou de dire ou de décrire ou d'extrapoler sur la réalité future de l'homme qu'on appelle nouveau, sur la réalité de cette race racine qu'on conçoit comme étant l'apogée d'une nouvelle science, l'apogée d'une nouvelle évolution, et finalement, la fille réellement aînée de l'humanité. Donc, quand on parle de l'élucidation des catégories à partir d'une conscience mentale, on parle du besoin chez l'homme d'exprimer une opposition instantanée par rapport à une catégorie qui lui est présentée pour des raisons de recherche ou de définition de la réalité. Et ça, c'est pas évident pour l'homme en général, parce que se mettre en opposition avec une catégorie, ça l'invite à définir la réalité par rapport à lui-même, ce qu'il ne peut pas faire encore. Donc, à cause de cette condition qui l'infirme, l'homme se sent obligé d'appartenir à ce cercle d'humanité qui questionne la réalité à travers les catégories pour avoir un sentiment de connaissance. Et c'est ainsi que les hommes, à travers l'histoire, ont participé sans s'en rendre compte à la création d'un égrégore tellement puissant que cet égrégore-là a créé dans la conscience humaine, dans l'expérience de l'homme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ego. Concept, catégorie, qui définit les limites de l'homme en tant qu'être conscient. Alors que si le concept de l'ego n'existait pas chez l'homme, dans ce sens que l'homme ne chercherait pas à cerner la réalité à travers les catégories qui constituent le patrimoine de sa race, la mémoire de sa race, les institutions de sa race. L'homme, très jeune, très peu de temps après la naissance, serait capable de converser avec les invisibles, les amener à sa table, ou aller à leur rencontre, comme le faisaient au début les Atlantes, lorsqu'ils n'avaient pas renié les visiteurs. La race des Adams . Le plus grand piège de la conscience humaine, le plus grand piège de l'homme, de l'involution, c'est la recherche de sa vérité, de la vérité. Et dans un même temps, c'est ça qui l'a affranchi de la pauvreté primaire de son esprit, pour l'amener, le plonger dans une pauvreté secondaire, qui est son incapacité aujourd'hui de reconnaître sa source, qui est une incapacité aujourd'hui d'être en communication avec sa source, et aussi de son incapacité aujourd'hui de pouvoir, seul, créativement, éteindre sa soif de la vérité. Ce que l'initiation le forcera ou l'invitera à faire. Parce que dans l'initiation solaire, l'homme sera amené par vibration supérieure à constater l'inutilité de son intellect pour découvrir la présence créative, puissante, vibrante de son intelligence intégrale. Ce qui lui donnera finalement une identité fondamentale où le questionnement n'existera plus, où le questionnement cessera graduellement parce que son esprit devenant de plus en plus vibrant sera de plus en plus affaibli, fatigué par une vibration qui ne ferait pas partie de son domaine. Je touche cette question-là parce qu'elle m'a été présentée, le contexte général m'a été présenté, et quand on me présente un contexte quelconque, j'essaie de l'utiliser pour jeter un peu plus de lumière sur le fait que l'homme est beaucoup plus présent, beaucoup plus capable de définir le réel que son intellect lui en donne l'impression. Par contre, l'habitude de traiter les catégories d'une manière un peu aristotélienne fait de lui un être forcé de se souvenir. Et tant que l'ego se souviendra, tant que l'ego participera à la mémoire de sa race, il ne pourra pas contravenir, s'opposer à la diffamation de son intelligence, au rétrécissement de son canal. Il ne pourra pas exposer pendant cette période planétaire où il est incarné, il ne pourra pas exposer à l'humanité les fleurs du mal. Les fleurs du mal étant les fils égrégoriens du principe luciférien. Ce que j'appelle la connaissance de l'évolution. Je n'utilise pas le terme fleurs du mal dans le sens judéo-chrétien du terme. Je l'explique simplement pour faire comprendre que la relation entre la liberté et l'esclavage, la relation entre la connaissance et la sagesse fondamentale, la relation entre l'infinité psychique de l'ego et la limite intellectuelle de son territoire apprivoisé par la culture, représente pour l'homme le plus grand défi à son évolution. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais comment ça se fait que ce mouvement de conscience s'exprime d'une façon catégorique dans une province telle que le Québec, au lieu de s'exprimer en Angleterre, en France, en Europe, aux États-Unis, et ainsi de suite, ou dans d'autres pays ou en Orient. Et la raison est très simple. Très simple. Dans ce pays qu'on appelle le Québec, la simplicité psychologique de l'ego, de par sa nature, de par son histoire, de par l'effondrement des grandes catégories intellectuelles, amène l'homme plus facilement à puiser dans sa nature que ce serait le cas dans des civilisations ou dans des territoires un peu plus huppés de notre modernité. Chez les Américains, vous auriez une spiritualité aberrante ou un matérialisme absolument un peu trop bavard. En Europe, vous auriez une réticence intellectuelle, une histoire, un passé trop exécuté. Dans l'Orient, vous auriez une incompréhension de la puissance d'une pensée qui vient de l'Est et qui vient de l'Ouest et qui ne vient pas de l'Est. Donc le Québec, c'est un pays de choix. Non pas parce que c'est un grand peuple, mais parce que c'est un petit peuple. Ce n'est pas une diffamation. C'est simplement une observation démographique, historique, qui permet finalement à une petite lumière de se placer dans le monde sans être reconnue pour ce qu'elle est. Et ça, c'est ce qui constitue, ou c'est ce qui se constituera, la nature de la relation entre un peuple d'un certain temps et un peuple d'un autre temps. Ciao.